Section 57 de La lecture, tome 3e. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. La lecture, tome 3e. Section 57. La journée d'un directeur de théâtre, par Arsène Housset. En ce temps-là, je ne perdais pas ma journée. Si vous êtes curieux de connaître la vie d'un directeur du théâtre français vers 1850, lisez ce feuillet et tournez la page. J'habitais la rue du Bac, au coin de la rue de Verneuil. Premier étage, balcon, fleurs sur le balcon, roses sur le balcon. Je crois même que là encore, j'ai cultivé des fraisiers, tant j'ai toujours voulu mettre un coin de nature dans ma vie. L'intérieur était joli, salon rouge, tout animé de tableaux modernes. Delacroix, Théodore Rousseau, Diaz, Decamps, Meissonnier, Marilla et Théophile Gautier. Deux bustes, celui de Madame Housset, par Jouffroy, celui de ma sœur Cécile, par Clésinger. Deux chambres à coucher, s'ouvrant l'une sur l'autre, un berceau d'un côté, une toute petite bibliothèque de l'autre, mais rassurez-vous, pas un livre dedans. Des miniatures, des éventails, des chinoiseries, une belle salle à manger tendue de tapisseries à personnages. Il est 8 heures. Je secoue le sommeil. Je retrouve mes pantoufles. Je prends une plume et pendant 2 heures, je sillonne le papier. Pourquoi? Pour rien. Mais il y a des entr'actes. L'enfant vient batailler sur mes genoux. La femme apparaît comme l'étoile du matin dans le bleu des nues. J'aime la beauté. Sa beauté me ravit et répand dans mon âme la lumière de toute la journée. Je pars avec la mère et l'enfant pour un voyage au bout du monde. J'ouvre la fenêtre. Et je les emmène jusqu'au bout du balcon. On cueille une rose, les fraisiers sont en fleurs, on espère des fraises pour la semaine prochaine, si l'enfant ne cueille pas les fleurs. 5 minutes après, on est revenu du voyage, je ressaisis la plume, croyant que j'obéis à ma destinée. Heureusement, il m'arrive quelquefois de ne rien faire. 10 heures sonnent. Zizi me prend la main et m'entraîne à la salle à manger. La table est coquettement servie, on peut déjeuner des yeux. Il y a du reste un vrai déjeuner parce qu'on attend toujours un ou deux amis. Pourquoi le déjeuner est-il plus gai que le dîner? C'est que le matin est un renouveau. Le commencement de la journée rappelle le commencement de la vie. Par malheur, il m'arrive souvent de demander les lettres et les journaux. Là, il y a plus de nuages que de rayons. Mais l'enfant m'arrache tout cela des mains dès que l'inquiétude passe sur mon front. Un ami survient, puis un autre. Un mot de gaieté par-ci, un mot de philosophie par-là. Le déjeuner est charmant. On se lève de table, doucement égayé, et on s'en va de par le monde. À 11h30, mon coupé me jette au Théâtre Français et m'attend pour aller plus loin. Je lis par 3 lignes à la fois la correspondance plus ou moins officielle, plus ou moins intime, mais celle-ci, je me promets de la relire. Si c'est un grand jour, il y a en outre 50 demandes de loges et de stalles. Monsieur Prudhomme demande une loge, fût-elle mauvaise. Roqueplan demande une loge, fût-elle bonne. Un journaliste m'écrit « C'est pour Madame X qui relève de couche. » Un feuilletoniste « C'est pour moi-même. » Mademoiselle A plus B des variétés « C'est pour prendre une leçon de Mademoiselle Brohan. » Mademoiselle C plus D « C'est pour jeter un bouquet à Mademoiselle Rachel. » Dumas et Jeannin demandent tous les jours une loge, sans dire pourquoi ni pour qui. Ils n'en savent rien ni l'un ni l'autre. Monsieur Mazère parle en style préfectoral. Verteuil jette sa lettre au feu, mais il la ressaisit tout à coup. Gardons-nous de lui refuser une loge, car il serait capable de nous lire une comédie. Aujourd'hui, pas de comité de lecture. On commence les raccords d'une pièce à demi oubliée et les répétitions d'Angelo pour Rachel. Je vais sur le théâtre, j'indique plusieurs mouvements de mise en scène, je prouve à Provost qu'il n'est pas enrhumé et à Sanson qu'il est plus jeune que jamais. Je cause avec Geffroy et Beauvallet d'un décor à peindre ou à retoucher. Quand la répétition marche bien, si ce n'est pas la dernière ou l'avant-dernière, je disparais pour remonter en voiture. Il me faut aller voir mes amis du journalisme, Armand Bertin, le docteur Véron, Émile de Girardin. Il me faut voir aussi mes amis de l'Élysée. La Comédie-Française est un état dans l'état, parce que si les acteurs vivent dans leur maison, les actrices vivent partout, dans le monde du sport, dans le monde diplomatique, dans le monde littéraire. Il y a toujours une affaire d'État dans les affaires de Mademoiselle Rachel. En France, quand la tragédie va bien, tout va bien. Mais si tout à coup la grande tragédienne brûle la politesse aux spectateurs par quelque haut caprice, L'inquiétude se répand dans les esprits. Il me faut aussi voir le ministre, si c'est un ami, sinon il ne faut pas réveiller ses antipathies ou ses préventions. Après cela, il y a les visites officielles chez messieurs de la critique, quand messieurs de la critique s'appellent Jeannin, Théophile, Fiorentino, Thierry, Saint-Victor. Mais ceux-là étant mes amis, ils sont plus souvent chez moi que je ne suis chez eux. Les autres, je ne les vois pas. Quand je les rencontre, je parais ne pas douter qu'ils soient ravis du théâtre, des pièces et des acteurs. Rien ne désarme la critique comme de prendre un article fâcheux pour un compliment par antiphrase. Je rentre au théâtre à 2 heures, l'heure des visites, l'heure fatale pour quiconque aime la solitude. En traversant l'antichambre, je me heurte déjà à 3 ou 4 impatiences ou impatientes, car dans ce monde-là, on ne s'amuse pas aux bagatelles de la porte. Au théâtre français, grâce au répertoire et grâce aux comédiens, on ne reçoit que de belles visites. Le plus souvent, j'ouvre la porte à tout le monde, donnant audience dans l'embrasure d'une fenêtre, à la cheminée, dans la salle du comité. C'est ainsi que devraient recevoir les ministres qui veulent gagner beaucoup de temps et ne pas subir de vains discours à perte de vue. Ce fut d'ailleurs bientôt la manière de Morny quand il se décréta ministre de l'Intérieur le 2 décembre 1851. Au théâtre français, les visiteurs sont tous des personnages de marque. Ambassadeurs, sociétaires, premiers sujets de l'opéra ou des autres théâtres, ministres, chefs de cabinet, princes étrangers, auteurs dramatiques, critiques et journalistes. En un mot, le plus beau personnel de Paris. Tout ce monde-là devenait intime et familier. Beaucoup étaient entrés pour me demander des choses impossibles. Presque tous sortaient contents sans avoir rien obtenu. Mais celui-ci se payait d'un mot spirituel de Dumas ou de Gozlan. Celui-là se trouvait trop payé par un sourire de Mademoiselle Rachel ou de Mademoiselle Brohan. Il est 4 heures. Tout le monde est parti. J'appelle Verteuil car mes 2 autres secrétaires ne sont jamais là. Ils conduisent sans doute les vertus de quelques ingénues oubliées par leur mère. Mademoiselle Luther est si jolie. Vous connaissez déjà mes 2 secrétaires, Armand Barthet et Adolphe Geff. J'aime à les voir et à les entendre en prose et en vers. Mais aux heures du travail, j'appelle Verteuil, car c'est le vrai secrétaire de la comédie. Je lui dicte les lettres officielles pendant que j'écris les lettres intimes. Quand c'est fini, vient la question des demandes de billets. J'ai la politesse du refus quand je ne puis avoir la bonne grâce de donner une loge. Ce qui n'empêche pas de me faire au moins 1 ennemi par jour. Il faut cela pour vivre. C'est le grain de poivre dans le ragoût. Naturellement, je me suis ainsi brouillé avec mes meilleurs amis, ceux-là qui ne comprennent pas qu'on puisse leur refuser la lune. Il est 5 heures. Je respire pendant 1 heure. Je vais où va le vent, très heureux de humer l'air en toute liberté. Ah, par exemple, on serait malvenu à m'arrêter dans mon vol pour deviser comédie. Le théâtre, c'est ma vie. La comédie, c'est la mienne. Et ainsi jusqu'à 6 heures, où je rencontre ma femme aux Champs-Élysées, en coupé, ou aux Tuileries, sous les orangers. Les Tuileries ne sont pas encore démodées. Nous retournons ensemble rue du Bac. Par malheur, je n'y dîne pas, car c'est là une des plus rudes besognes du directeur de la Comédie-Française. Il lui faut presque tous les jours dîner ailleurs que chez lui, plus ou moins officiellement. Ministre, prince, directeur de journaux, directeur de théâtre. Ah, il faut bien faire son métier. Aussi, combien de fois me suis-je rappelé Racine s'échappant de la salle à manger de Madame de Maintenon, où devait dîner le roi, disant, pour se dégager, « Madame Racine m'attend avec une si belle carpe fricassée à la Normande qu'elle en pleurerait si je n'étais pas là. » J'imitais souvent le poète de Phèdre. Il m'arrivait même, dans les dîners ministériels, où on ne se reconnaît pas, d'accepter l'invitation, décidé de rester chez moi pour dîner en famille, bien convaincu qu'on ne s'apercevrait pas de mon absence au festin du ministre. Du reste, j'avais toujours chez moi une de mes sœurs pour que ma femme ne se sentît pas abandonnée. Presque tous les jours, elle recevait un bouquet pour venir me retrouver au théâtre, dans cette petite avant-scène du rez-de-chaussée où elle avait un salon pour ses amis. Je ne m'attardais pas après le dîner. Sous prétexte d'aller au fumoir avec les fumeurs, je décampais au plus vite pour arriver de bonne heure au théâtre français. Comme j'étais bon camarade avec les comédiens et les comédiennes, on aimait à me voir là quand je n'étais pas dans mon cabinet. Il y a des jours, au théâtre, où l'acteur ne voit pas âme qui vive. On sait que le public, pour être un vrai public, ne se compose pas seulement de figures étrangères, il faut y reconnaître ça et là une physionomie connue ou un regard sympathique. On ne joue bien que si on sent quelqu'un dans la salle. Or, dans ma loge, il y avait toujours quelqu'un avec moi, un personnage politique ou littéraire. Comme j'étais forcé, par mon impartialité, de jouer des comédies que je n'aimais pas, ces soirs-là, je n'avais pas le stoïcisme d'assister à la représentation, ce qui eût crucifié mon esprit. Je demeurais dans mon cabinet, où il y avait d'ailleurs toujours quelque chose à faire. Quoique j'eusse horreur des paperasses, il fallait bien me résigner à remuer les papiers de l'administration, mais j'en avais bientôt fini. Dans un coin de ma mémoire s'agitaient les chiffres du budget. Je me suis toujours trompé avec la plume, jamais avec la pensée. Je suis peut-être né mathématicien comme je suis né poète. Il ne m'a donc jamais fallu m'endormir dans les contes à dormir debout. On donne ce soir Marion Delorme. Judith joue la belle pécheresse. Victor Hugo vient dans les coulisses et lui baise le front pour tout compliment. Elle se croit sacrée. Passe Alfred de Musset qui la baise sur le bras. À qui pourrais-je bien donner mon second bras? Ce mot ne tombe pas dans l'oreille d'un sourd. Alfred de Vigny s'incline en lui prenant la main. Judith ne perd pas de temps. Je jouerai Katy Bell, n'est-ce pas? Mais Alfred de Vigny ne dit jamais oui. 9 heures tinte à la pendule. Bacciocchi entre comme une bourrasque. Mon cher Rousset, voulez-vous me servir de témoin dans une affaire terrible? Car je veux tuer mon adversaire. Que vous a-t-il donc fait? Comment, ce qu'il m'a fait? N'avez-vous pas lu l'Indépendance belge de ce matin? J'y suis représenté comme le surintendant des menus plaisirs de l'Élysée. J'ai déjà vu Nieuwerkerk qui sera un de mes témoins. Cela se trouve mal, dis-je à Bacciocchi. Je suis déjà dans une affaire pareille avec Roger de Beauvoir. On doit se battre demain. D'ailleurs, votre adversaire est un de mes amis. Il a eu tort d'imprimer cette plaisanterie de mauvais goût, mais je crois que vous avez tort de l'avoir lue. Car si vous vous battez, ce duel fera tant de bruit que le nom de surintendant des menus plaisirs vous restera éternellement. Allons donc, le sang efface tout. Au contraire, le sang marque tout. Bacciocchi n'en veut pas démordre. Il se battra, il s'est battu. 2 vaillantes épées, les 2 champions se sont touchés, mais si on n'a pas répandu assez de sang pour effacer, on en a répandu assez pour marquer. Jusqu'ici, Bacciocchi était un ami plus ou moins politique du prince. Maintenant, c'est le surintendant des menus plaisirs de l'Élysée. Eh bien, la vérité, c'est qu'il n'est que le surintendant de ses menus plaisirs. Le prince n'a pas besoin de faire tendre des filets pour prendre en pleine mer les Aphrodites. Elles viennent toutes seules au rivage de l'Élysée. Par exemple, aujourd'hui, ne parle-t-on pas de cette belle marquise de CT qui est allée demander au président une préfecture pour son mari? Comme elle était plus provocante que jamais par ses beaux seins sous sa robe de velours écarlate, le président, tout en causant, y mit la main comme sur un beau fruit. Elle s'indigna. Le prince reprit sa figure de chef de l'État et congédia la belle marquise en lui disant qu'elle serait plus ou moins préfète. Elle est venue me demander une loge après son audience et elle m'a conté l'histoire en finissant par ce mot qui en est la moralité. Ai-je été assez bête? Il est 10 heures, on m'apporte la recette. Il y a là l'émotion du joueur. Si la recette monte, est-ce parce qu'il a bien joué ses cartes ou parce que le hasard lui a donné de bonnes cartes? Si la recette a monté, on ne s'inquiète pas du lendemain. Si elle a baissé, on se frappe le front pour faire jaillir quelques bonnes idées. N'a-t-on pas de belles cartes en réserve dans le jeu du répertoire? Je prenais conseil de Verteuil, d'un acteur survenant, le plus souvent de moi-même. Le directeur est le meilleur juge parce qu'il est impersonnel. À 11 heures, quelques mauvaises nouvelles. Un comédien a un deuil de famille, un autre est enroué. Une bonne nouvelle, Mademoiselle X vient d'être enlevée. Et je ne suis pas inquiet, elle sera remplacée avec avantage. D'ailleurs, celui qui l'a enlevée sera trop heureux de la ramener avec un talent grandi par la passion. Mais voilà que Mademoiselle Y, ne pouvant se consoler du départ d'Ulysse, demande un congé pour courir avec lui. Un instant, la représentation du lendemain est compromise. Mais j'en ai vu bien d'autres. Demain, quand on frappera les 3 coups, tout le monde sera à l'appel. Il est 11h30, c'est le dernier entracte. Je vais un instant à ma loge, on est dans le petit salon, on prend des glaces, on me parle de la représentation. Celui-ci a été superbe, celui-là a été sublime. Mais pour Dieu, débarrassez-nous de quelques autres. Je n'y puis rien, ils sont sociétaires. Eh oui, c'est comme à l'académie. Quand on voit M. Victor Hugo et M. Vianney, ils sont tous les deux immortels, quoi qu'on fasse. Il est minuit. Je reviens dans mon cabinet où m'attend l'affiche. C'est aussi difficile de corriger les épreuves de l'affiche du théâtre français qu'une page de philosophie. L'affiche est une image où toutes les vanités sont en jeu. Il faut qu'elle frappe et qu'elle magnétise les yeux du public. mais il faut aussi que tous les noms soient franchement dessinés. Si une seule lettre était illisible, le lendemain, Floridor ou Fracas crierait au meurtre. À minuit, j'ai le droit de m'en aller, mais on soupe beaucoup ces jours-ci en gaie et folle compagnie. J'échappe souvent à ces festins improvisés, plus heureux de m'en aller par les Tuileries et le Pont-Royal, dans la chaste et belle compagnie de Madame la Lune et de Mesdemoiselles les Étoiles. Fin de la section 57.